6. Mauvaise nouvelle pour le Père Noël. Flagadel sort une petite flûte de son manteau et commence à jouer un air connu de Noël. Douce nuit, sainte nuit, apparaît alors Alan Pop qui vient s'asseoir auprès d'elle. D'une voix très grave, profonde et douce à la fois, il accompagne Flagadel. Alan Pop. Douce nuit, sainte nuit, tout est calme, plus de bruit, c'est Noël là-bas dans le ciel. Flagadel, c'est joli, vous chantez bien. Alan Pop, Kitos, ça veut dire merci dans ma langue. Flagadel, pouvez-vous me dire ce qu'il se passe avec le Père Noël? Pourquoi a-t-il besoin de nous? Alan Pop. Le Père Noël a des soucis. Il a envie de rire, comme autrefois. Il voit tellement de gens tristes dans le monde qu'il n'arrive plus à trouver la force de les aider à retrouver le sourire dans leur cœur. C'est pour cela que je suis venu vous chercher. Il a besoin de votre aide, vous, Flagadel, et votre petit frère Trompette. Mais surtout, votre drôle de petit ver de terre tout vert que vous appelez... je ne me souviens plus de son nom. Cacahuète, Pistachette, Picassiette. Flagadel, on dirait Brigitte, ma copine, la bête qui pond des marguerites. Elle ne se souvient jamais du nom de Picahouette. Alan Pop, Picahouette, c'est ça. Mais où est-il d'ailleurs? Je ne l'ai pas vu depuis que nous sommes partis. Flagadel, hélas, monsieur Pop, je suis désolé, mais Picahouette ne fait pas partie du voyage. Alan Pop, quoi? Non, vous êtes venu sans Picahouette? Flagadel, nous voulions venir avec lui, mais il a disparu juste avant votre arrivée. Nous n'avons pas voulu vous faire attendre, alors nous l'avons laissé à la maison. Alan Pop, c'est un grand malheur. Et une bien mauvaise nouvelle pour le Père Noël. Il voulait faire sa tournée en traîneau dans le ciel avec lui. Enfin, souhaitons malgré tout que votre visite lui redonne un peu le sourire et la force d'aller distribuer les cadeaux aux enfants. Flagadel, je suis désolé, monsieur Pop. Nous ferons le maximum, comptez sur nous. Alan Pop, je vous crois. Je sais que vous êtes de bonnes personnes. Flagadel, sommes-nous encore loin du pôle Nord? Alan Pop, plus très loin, non. Demain soir au plus tard, nous serons dans le chalet du Père Noël. Allez, il vous faut dormir maintenant. Flagadel s'endort tout contre Trompette. Alan Pop veille sur eux, les yeux rivés vers le ciel étoilé.